En entendant cette phrase, l'artiste fut obligé de sortir. Après avoir salué Madame Hulot et Hortense, qui revint du jardin exprès pour recevoir ce salut, il alla se promener dans les Tuileries, sans pouvoir, sans oser rentrer dans sa mansarde, où son tyran allait l'assommer de questions et lui arracher son secret. L'amoureux d'Hortense imaginait des groupes et des statues par centaines. Il se sentait une puissance à tailler lui-même le marbre, comme Canova qui, faible comme lui, faillit en périr. Il était transfiguré par Hortense, devenu pour lui l'inspiration visible. « Ah ça !» dit la baronne à sa fille, « qu'est-ce que cela signifie ?»« Eh bien, chère maman, tu viens de voir l'amoureux de notre cousine bête, qui, j'espère, est maintenant le mien. Mais ferme les yeux, fais l'ignorante. Mon Dieu, moi qui voulais tout te cacher, je vais tout te dire. » « Allons, adieu, mes enfants !» s'écria le baron en embrassant sa fille et sa femme. « Je vais aller peut-être voir la chèvre, et je saurai d'elle bien des choses sur le jeune homme. »« Papa, sois prudent !» répéta Hortense. « Oh, petite fille !» s'écria la baronne quand Hortense eut fini de lui raconter son poème, dont le dernier chant était l'aventure de cette matinée. « Chère petite fille, la plus grande rouée de la terre sera toujours la naïveté. » Les passions vraies ont leur instinct. Mettez un gourmand à même de prendre un fruit dans un plat, il ne se trompera pas et saisira, même sans voir, le meilleur. De même, laissez aux jeunes filles bien élevées le choix absolu de leur mari, si elles sont en position d'avoir ceux qu'elles désigneront, elles se tromperont rarement. La nature est infaillible. L'œuvre de la nature en ce genre s'appelle « aimer à première vue ». En amour, la première vue est tout bonnement la seconde vue. Le contentement de la baronne, quoique caché sous la dignité maternelle, égalait celui de sa fille. Car des trois manières de marier Hortense dont avait parlé Crevel, la meilleure, à son gré, paraissait devoir réussir. Elle vit dans cette aventure une réponse de la Providence à ses ferventes prières.